maintenant, la générale Yepanchine et ses filles me regardaient en silence. Sur leur visage, je lisais tout à la fois la pitié, l'inquiétude et la répulsion. Moi, je continuais à lutter contre mon mal, serrant les lèvres pour ne pas laisser échapper de ma bouche des sons inarticulés. Et retenant d'un dernier effort de volonté le tremblement de mes membres, quelques secondes, quelques minutes peut-être s'écoulèrent ainsi. Puis je sentis avec horreur les mains glacées de mon mal se poser sur mes épaules et mon corps s'incliner docilement vers le sol. C'est alors que Marie, la petite vachère suisse surgissant du passé, arracha de mes épaules les mains lourdes et glacées. L'affreux spectre chancela et s'évanouit. Marie me sourit avec gentillesse et regagna le passé lointain. Je respirai avec soulagement. Et tirant de ma poche un mouchoir, j'essuyai la sueur qui mouillait mon visage. Oh, voilà, c'est fini, dis-je machinalement. Vous êtes trop sensible, prince. Votre âme et votre chair souffrent visiblement des souffrances des hommes et vous vous faites beaucoup de mal. Cessez donc de vous occuper des autres. Vivez plutôt pour vous et prenez soin de votre santé. Elle me paraît bien précaire. Vous avez sans doute raison, Elisabeth Prokofievna. Mais voilà, je n'arrive pas à me détacher suffisamment des hommes pour me créer une existence en dehors d'eux. C'est plus fort que moi. Chaque fois que je tente de relâcher les liens qui m'unissent à eux, je me sens malheureux et brisé par mon effort. Pourquoi ? Eh bien, je vous en ferai l'aveu. Parce que je porte en moi une sorte de culpabilité à l'égard de mes semblables. Une culpabilité à propos de tout et de rien. Une culpabilité ridicule, sans doute, mais... Je vous conseille vivement, prince, de chasser toutes ces idées fausses et déprimantes. Et je vous dis, pour pouvoir vivre sur notre terre, où tout nous est hostile, nous ne devons pas nous sentir coupables. Non, ben, au contraire, nous devons... Je vais vous aider, maman. Nous devons rendre responsables de nos déboires tout le monde, sauf nous. C'est bien cela? Parfaitement, Aglaé. Mais ne poursuivons pas, c'est encore de la philosophie, moi je déteste la philosophie. Refuse des tricheurs et des faibles. Prince, avez-vous déjà été amoureux? Non, Elisabeth Prokofievna, je n'ai pas été amoureux. Mais j'ai été heureux d'une autre manière. D'une autre manière? Mais comment cela, prince? Je vais vous le dire, Elisabeth Prokofievna. Enfin, en tout cas, je vais tenter de le faire. Tout cela est si fragile, si insaisissable, que j'ai peur de ne pas pouvoir vous l'exprimer par des paroles. J'ai connu un jour dans mon village suisse une petite vachère. Elle s'appelait Marie. Et je l'ai embrassée. Non, ne riez pas. Je l'ai embrassée qu'une fois. Et ce n'était pas du tout par amour, du moins l'amour tel qu'on le comprend. Et qu'était-ce alors, prince? Je ne sais pas au juste, Elisabeth Prokofievna. Marie était très malheureuse et plutôt laide. Elle était en outre malade de la poitrine, mais elle continuait néanmoins à s'occuper des gros travaux, car elle avait à sa charge une mère vieille et impotente. Et un jour, un commis voyageur français la séduisit et l'emmena avec lui. Mmh. Les Français sont de grands séducteurs, dit-on. Mais bientôt, il l'abandonna sans plus de façon sur la route. Et Marie, ne sachant pas très bien ce qui lui était arrivé, se mit à rebrousser chemin vers son village. Elle marcha plusieurs jours avant de regagner sa maison, toute sale, toute crottée, et affreusement blessée dans son âme. Et vous savez comment sa mère l'accueillit, cette mère qu'elle avait nourrie et soignée avec dévouement? Eh bien, au lieu de la réconforter, elle la livra à la colère et au mépris des villageois. Et le village tout entier se rua dans la masure, hommes, femmes et enfants. Marie était couchée à terre, affamée, déguenillée. Lorsque la foule se mit à la railler, à l'injurier, comme si elle était une espèce de bête immonde, Marie ne répondit rien. Elle se couvrit seulement le visage de ses mains. Quelques jours plus tard, la vieille paysanne, le cœur rempli d'une haine sauvage pour sa fille, l'injure à la bouche, mourut. On l'emmena à l'église. Marie se tenait derrière le cercueil, le visage craintif, les yeux baissés et vêtue de ses guenilles. L'office terminé, le curé, qui ambitionnait de devenir un grand prédicateur, monta en chaire. Il désigna Marie à l'attention de ses paroissiens et dit textuellement: « Voilà celle qui a causé la mort de cette estimable personne. Voilà Marie, la pécheresse. Le doigt de Dieu l'a marqué. Qu'elle serve d'exemple à celle qui serait tentée par le diable. » Il continua sur ce ton un bon moment. et imaginez-vous que cette lâcheté plut à tout le monde. Après les obsèques, personne dans le village ne voulut plus confier aucun travail à Marie. On crachait sur son passage, et on lui disait toutes sortes de grossièretés. Elle finit par ne plus sortir de sa masure. Je ne sais de quoi elle vivait. Il me restait une épingle garnie de diamants. Je la vendis à un marchand ambulant, il me la paya 8 francs. Je me mis à la recherche de Marie, et je la rencontrai un jour sur un sentier de la montagne. Je lui donnai ses 8 francs, je l'embrassai, et je m'enfuis. Mon cœur était noyé de tristesse. Je ne voulais pas accabler davantage cette malheureuse par ma charité. Un geste d'enfant. En effet, Schneider, mon médecin, m'a dit que j'étais un enfant, qui ne ressemblait à un homme adulte que par la taille et la figure. D'abord, j'en ai beaucoup ri, mais à la réflexion, je me rends bien compte que je ne suis pas à mon aise avec les adultes. Ce sont les enfants qui ont toujours été mes amis. Dans le train qui m'amenait ici, en Russie, je me disais « Me voilà parti pour le monde des hommes. On va me prendre pour un idiot. Et cependant, je suis intelligent, mais personne ne le devine. Et c'est vous que j'ai rencontré aussitôt après avoir quitté le train. Et sur vos visages, je lis... » Que lisez-vous sur nos visages, prince? Vous, Adélaïde, vous avez un visage heureux, le plus sympathique des trois, un visage de sœur de charité. Vous, Alexandra, vous avez un visage charmant, mais qui cache quelques chagrins secrets. Il ressemble à celui de la Madone de Holbein. Et Aglaé? Vous n'en dites rien, prince. Aglaé, elle, est très belle. Presque aussi belle que Nastassia Philippovna. Qui? Nastassia Philippovna? Où l'avez-vous vue? Gabriel Ardalionitch a montré tout à l'heure son portrait au général. Comment? Un portrait? Je veux le voir. Où est ce portrait? À qui cette femme a-t-elle donné ce portrait? Au général ou à son secrétaire? Je suppose que c'est à son secrétaire, Gabriel Ardalionitch. Alors qu'on appelle tout de suite Gabriel Ardalionitch. Je veux le voir. Je veux voir ce portrait. C'était « L'idiot », un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, Ginette Taffin, André Florence, Denis Costanzo, Édouard M. et Gabi Morlaix. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.